4. Reste là, ô mon âme, suspendue comme un fruit, jusqu'à ce que l'arbre meure. Shakespeare, Cymbeline. Comme on s'amuse, la maison est au pillage. Les petites sœurs et leurs amis font des charades. Nadine a mis à leur disposition pour s'habiller la grande chambre de débarras du second, où depuis des années s'entassent dans des caisses et dans des cartons les vieux habits et les chapeaux démodés de la famille. Aussi, quelle trouvaille, quelle résurrection de choses oubliées! Monsieur Médan a ouvert la porte de son cabinet pour voir passer les actrices. La contrariété du déjeuner est oubliée. Il rit de leurs inventions cocasses. La grande sœur les aide à se déguiser, leur donne des idées. Puis elle descend bien vite, contenir, distraire les spectatrices, impatientées d'attendre. Dans leur longue robe de dame, où elles s'entravent avec leurs cheveux relevés en chignon, sous la voilette trop serrée qui se colle à leur nez enfantin et accroche leurs cils, elles sont adorables, les fillettes. Elles ont à la fois les attitudes de parler de vraies dames, avec des idées d'enfants d'une exquise naïveté. Maggie a découvert un vieux costume de Jacques, abandonné depuis des années au fond d'une malle. Toutes en même temps veulent être l'homme. À l'aide d'un bouchon brûlé, elles se font des moustaches et prennent de grosses voix, une démarche martiale. Mais quoi qu'elles fassent, leur tournure, déjà féminine, prête une grâce étrange au vilain vêtement raide. Leur bouche paraît plus fraîche et plus pure sous l'horrible trait noir qui la dépare. Une mignonne blonde, déguisée en mariée, vêtue d'une longue robe blanche, un rideau sur le visage en guise de voile, passe, modeste, les yeux baissés, donnant le bras à un turc à turban, drapé dans un tapis de table. Un petit mitron en bonnet de papier vient timidement embrasser Monsieur Médan. « C'est Lucette, qu'elle est drôle ainsi !» Puis de goûter dans la salle à manger, la montagne de merveilles empilées sur un plat, le chocolat mousseux. On va chercher papa pour qu'il prenne sa part des bonnes choses. Il ne mange pas mais ses gais des vives saillies, qui partent comme des fusées, des yeux brillants, des joues roses. Nadine debout remplit les tasses, fait passer les merveilles, pense à tout. Sa bouche si fraîche dans son beau visage pâle a un petit sourire contraint, nerveux. Ses yeux gris n'ont pas de rayons. Son rire sonne faux. Sa voix parfois se brise. Il y a en elle quelque chose d'absent et de douloureux, que son père lui a déjà vu sans y prendre garde, et qui le frappe en ce moment pour la première fois. Il l'observe attentivement. « Pourquoi Jacques ne rentre-t-il pas ?» se demande-t-elle avec angoisse. « Enfin, les amis sont partis. L'heure du dîner approche. » La jeune maîtresse de maison jette un dernier coup d'œil à la table. « Oui, c'est bien. » Sous le grand lustre ancien d'où 20 bougies envoient leur joyeuse lumière, une énorme touffe de gui est suspendue. Ses petites boules blanches, ainsi éclairées, ont l'air de perles fines. Dans le grand surtout d'argent du milieu, les cyclamènes et les fougères de la serre se mêlent avec grâce. Les cristaux étincellent. L'argenterie de vieilles maisons bourgeoises, soignées de mère en fille, étale son luxe solide sur le beau linge damassé, très blanc, à côté de la porcelaine à filets dorés. Une guirlande de houx, qui court tout autour de la table, relève, par le ton vif de ses baies et le vert sombre illustré de ses feuilles, toutes ses blancheurs. Des menus, peints par la jeune fille dans les longues journées d'automne où elle était seule avec son père, prouveront aux convives qu'elle a pensé à eux bien longtemps à l'avance. Le feu brûle clair dans la grande cheminée. Tout a l'air confortable et accueillant. Un tour à la cuisine, puis vite les petites sœurs. Elles s'habillent en bavardant, encore toutes vibrantes de plaisir. Nadine arrive à temps pour faire le nœud du ruban qui attache leurs longs cheveux bruns démêlés avec peine, et pour mettre les robes blanches. Elles vont très bien à l'école aussi. Que les petites chéries sont gentilles ainsi. Les yeux de Maggie brillent, son teint est animé. Lucette a très chaud. Elle plaque les paumes de ses mains fraîches sur ses joues, à peine teintées de rose. Ses yeux profonds et doux s'attachent à ceux de la grande sœur, qui l'embrasse tendrement, puisant un peu de force dans ce regard. si semblable à un autre regard aimé. Elle est horriblement lasse, elle a peine à se tenir debout. Comme il serait bon de se coucher, de mettre sa tête lourde et brûlante sur l'oreiller frais. Non pour dormir, cependant, elle est trop inquiète. Jacques n'est pas encore rentré. Où peut-il bien être allé? Il avait l'air si désespéré. Pourvu, mon Dieu! Mais non, c'est une crainte insensée. Que cet après-midi a été interminable. Un coup de sonnette à la grille. Est-ce lui? Nadine court à la fenêtre. Oui, Dieu soit loué, c'est lui. Elle reconnaît le pas de la jument sur le gravier. Voici près du bassin la haute silhouette d'un homme à cheval. Mais se trompe-t-elle? On dirait qu'il n'est pas seul. Une autre silhouette se détache de la première au détour de l'allée. Qui peut être ce second cavalier? Serait-ce déjà un convive? Il n'est que 6h20. Le dîner est pour 7h30. Ce buste long et mince, mais c'est sans doute celui de l'ami Calvetti. Comme il demeure très loin, il arrive toujours trop tôt pour ne pas être en retard. Jacques l'aura rencontré en chemin. « Comment, Dine ? » s'écrie celui-ci en entrant. « Tu n'es pas prête ? Il y a du monde au salon, descends vite. Je m'habille en deux temps, trois mouvements, et je te rejoins. » La jeune fille se précipite dans sa chambre. Elle n'a pas le temps de changer de robe. Ah, tant pis. Elle brosse ses cheveux, se lave les mains, met un col de dentelle sur son corsage, qu'elle ouvre un peu. Pique une rose, se regarde. « J'ai déjà l'air de ce que je serai bientôt, une vieille fille, » se dit-elle en riant, et rapidement elle descend. Elle entre dans le salon, mais soudain s'arrête, les jambes cassées, tout le sang de ses veines refluant vers son cœur. D'un air égaré, elle le regarde venir, car c'est bien lui, elle ne rêve pas, c'est bien ce visage brun dont chaque trait semble gravé au fond d'elle-même, sa taille élevée, un peu incliné en avant. Pourquoi est-il si pâle? Il plonge dans ses yeux ce regard direct, inquisiteur, qui pénétrait jadis jusqu'en ses plus intimes pensées. Qu'est-ce que cette mauvaise plaisanterie, songe-t-elle? Je n'avais pas besoin de cette épreuve aujourd'hui par surcroît. C'est Jacques qui a voulu que je vienne, dit la voix aimée, assourdie, en ce moment par une extrême angoisse. Il prétend, il se trompe, n'est-ce pas? Il dit qu'il y a un malentendu entre nous. Que si vous n'avez pas voulu de moi, il y a 2 ans, ce n'était pas, c'était par devoir, par dévouement. Que si vous aviez été libre, on croit facilement ce que l'on espère. Je n'ai pas pu résister au désir de venir savoir si c'est vrai. Pardonnez-moi. Nadine n'entend plus rien. Une joie surhumaine l'envahit toute, brisant ses dernières forces, brouillant le contour des choses, l'emportant dans un tourbillon de fidélité. Elle va tomber, mais un bras vigoureux la retient. Elle laisse aller sa tête sur une chère épaule. Aussitôt, quel repos invraisemblable, divin, succédant à tant de tourments. Quelle sécurité délicieuse après tant d'inquiétudes. Quelle douceur, quelle paix. « Alors c'est vrai ? » demande-t-il très bas, en se penchant sur le blanc visage adoré. « Oui. » Il se baisse encore davantage. Tout semble aboli, sauf eux-mêmes et la minute présente qui contient l'éternité. On marche dans le corridor. Ils se séparent, tremblants comme des coupables, ivres, véritablement ivres de bonheur. Mais alors, je ne comprends pas. Pourquoi ce de beaucoup trop jeune qui m'a fait tant souffrir? J'avais promis, vous vous souvenez, de ne pas abandonner votre père, je savais cela. Je vous aurais comprise et approuvée. Pourquoi ne disiez-vous pas, tout simplement, que je vous aimais, que je me sacrifiais à père, à sa santé, à son bonheur? Non, d'abord, aurait-il accepté. Et puis, il était si malade ce jour-là. Je le voyais si mortellement inquiet. Il fallait le rassurer à tout prix, entièrement, lui donner le repos d'esprit qui, pour lui, à ce moment-là, était la vie même. Vous avez raison, j'aurais dû deviner, m'informer auprès de vous, avant. Mais j'étais affolé. On m'avait dit que vous aviez été demandé en mariage. J'ai craint qu'on ne vous prît à moi. Encore si j'avais été sûr que vous m'aimiez. Je croyais bien l'avoir lu dans vos yeux, mais jamais vos lèvres ne me l'avaient dit. On doute toujours quand on aime vraiment, vous le savez. Je pouvais m'être trompé, avoir pris mes désirs pour la réalité. Si j'allais vous retrouver marié ou fiancé, sans réflexion, j'ai écrit. La réponse de votre main, catégorique et nette comme un coup de couteau, a tranché toutes mes espérances. J'ai cru que vous ne vouliez pas de moi, que vous aviez pris cet invraisemblable prétexte pour me repousser. Un coup de couteau, c'est bien cela. Mais c'était ma vie qu'il détachait de moi, me semblait-il. J'écrivais sous les yeux même de père, penché au-dessus de mon épaule, plein d'angoisse. Je n'avais qu'une peur, me trahir, qu'un désir, éviter à tout prix la crise imminente. Je me sentais une décision, une lucidité invraisemblable. Depuis, j'ai compris qu'au fond, sans m'en rendre compte, vous n'avez donc pas songé que je pourrais vieillir? Je n'ai pas cessé un instant de l'espérer. C'est pour cela que vous m'évitiez si soigneusement? Et vous, ne me fuyez-vous pas aussi? Que de fois j'ai vu disparaître votre robe quand j'arrivais dans un endroit. Ah, quelle peur j'avais et quel désir de vous rencontrer tout à la fois. Vous souvenez-vous, chez la vieille aveugle que je soignais à Morlino, je vous y ai surprise un matin, lui faisant la lecture. Comme je gardais la porte, vous ne pouviez pas sortir sans passer près de moi. Alors vous vous êtes réfugié dans un petit coin, auprès de la cheminée, et vous êtes resté là, immobile et toute pâle. Vous aviez l'air si indifférent, si froid. Les battements de mon cœur m'empêchaient d'entendre quand j'auscultais la pauvre femme. Vous m'avez à peine salué. Je vous aimais tant ce jour-là. Mon âme s'échappait de moi et s'en allait vers vous. Bien-aimé, ah, c'est une cruelle souffrance de fuir toujours ce qui vous attire autant. Mais je ne faisais pas que vous fuir. Comment? Vous m'avez donc cherché, vous aussi, parfois? Avidement, sur tous les chemins, par toutes les rues. Votre nom montait à mes lèvres, même lorsque je ne croyais pas penser à vous. Hantant mes heures d'études, obsédant toutes mes pensées, se substituant sous ma plume aux mots techniques. Chaque robe claire aperçue de loin, chaque jeune silhouette entrevue me faisait battre le cœur. Et moi, que de fois ai-je été en ville sans aucun motif, dans l'espoir seul de vous rencontrer? Un soir d'hiver, à la nuit tombante, j'étais mortellement inquiète de vous. Il me semblait que quelque chose vous menaçait. Je venais de terminer mes emplettes. Je laissais Federigo avec la voiture devant la porte et je passais devant votre porte. Il n'y avait personne dans l'étroite et sombre rue en pente. La fenêtre de votre cabinet de travail était grande ouverte. Vous vous teniez debout près d'elle, regardant anxieusement dehors. Votre buste se dessinait sur le fond éclairé de la pièce. Que faisiez-vous là par ce froid? Vous aviez l'air de m'appeler, de m'attendre, et vous ne m'avez même pas reconnu. 2 jours après, votre père mourait subitement. Je n'ai aucun souvenir de cela. J'ai tant souffert depuis. Alors, c'est vrai, vous sentiez que j'allais être malheureux. Oui, et après, comme c'était cruel de ne pouvoir partager votre chagrin, de n'avoir pas le droit de pleurer avec vous. Chérie, si je l'avais su, quel bien cela m'aurait fait. Et moi, savez-vous où je passais mes soirées, l'été, alors qu'on me demandait partout, en vain, si bien que le bruit accourut en ville, que j'avais une intrigue. Derrière la charmille à vous écouter faire de la musique avec votre père, j'arrivais comme un voleur par le saut de loup du bois. Vous étiez là, je jouais pour vous. Je le sentais. Oui, vraiment, il n'y a pas que ce que l'on voit et que ce que l'on touche qui soit réel. Viens plus près. Mais ce bruit, ce n'est rien, laissez-moi au moins votre main. N'avons-nous pas été assez longtemps séparés? Il faut réparer tout cela. Pourtant, nous devons attendre et souffrir encore, car vous le sentez, n'est-ce pas? Je ne veux pas vous prendre à votre devoir. Si vous cessiez de le faire avant toute chose, ma douce vie, vous cesseriez en même temps d'être vous-même. Vous ne seriez plus celle qui m'est si chère. L'épreuve qui a mûri et fortifié notre amour m'a aussi enseigné la patience. J'attendrai. Je vous aime assez pour cela. D'ailleurs, vous m'aimez. Voilà qui va m'aider singulièrement. Dans 3 ou 4 ans, les petites sœurs auront terminé leurs études et pourront vous remplacer auprès de votre père. Alors je vous réclamerai comme mienne, car rien au monde ne peut nous séparer définitivement, n'est-ce pas, mon amour? Vous n'avez pas promis de ne jamais vous marier? Non, rassurez-vous, j'ai promis de ne pas laisser père seul d'élever les petites. Nous le préparerons à cette idée doucement, sans secousse. Nous le soignerons si bien tous les deux, nous l'aimerons tant, qu'il vivra de longues années encore. Borena n'est pas si loin de Paradiso, après tout. Quand les fillettes seront mariées à leur tour, nous le prendrons avec tout, ou nous viendrons ici. Un grognement dans le corridor, bien accentué cette fois, les fit brusquement s'éloigner l'un de l'autre, et s'asseoir très sage de chaque côté de la cheminée. C'était Jacques qui s'annonçait ainsi. « Eh bien, demanda-t-il en entrant, me suis-je trompé ?» Nadine était déjà suspendue à son cou et l'embrassait de toute son âme. « Que tu es bon, que je t'aime, disait-elle. Puis tout bas, nous sommes quittes maintenant. » « Jamais. Ce que j'ai fait, moi, ne m'a coûté que quelques pas, tandis que toi, ah, brave, brave chérie, vilaine sournoise qui cachait si bien son jeu. Il était introuvable, cet animal de docteur. Tu n'imagines pas à quel point il est entêté. Ah, il n'est pas précisément maniable, le cher ami, je t'en préviens. » Il s'obstinait dans une modestie charmante, et qui contrariait singulièrement mes projets. « C'est elle qui te l'a dit ? » répétait-il comme un refrain. « Non, je l'ai deviné. Si tu te trompais, tu en serais quitte pour un second refus, et pour un excellent dîner de Noël. Le bonheur de ta vie et de la sienne vaut bien cela, que diable. D'ailleurs, je suis sûr de ne pas me tromper. Mais voilà papa. Je l'ai averti que je t'ai rencontré et amené. Il a trouvé cela tout naturel. Même il est enchanté de te revoir, j'en suis sûr. Il t'aime bien, tu sais, et tant que tu ne lui prends pas sa fille. » Le dîner, fort bien préparé, Perpétua s'était surpassé, impeccablement servi par Agnès et Federigo, le cocher jardinier fut charmant. Nadine, placée en face de son père, était si belle que tous les regards se portaient involontairement sur elle. Ses cheveux ondés avaient sous l'éclatante lumière des reflets d'or. Ses yeux, tout à l'heure encore comme voilés de brume, prenaient sous leur cils noir la couleur et la transparence des vagues par un beau matin d'avril. Un sang renouvelé montait de son cœur à ses joues et les animait. Sa bouche souriait, vivante, aimable et douce, vraie fleur d'âme nouvellement éclose. Elle rayonnait véritablement et dégageait autour d'elle du bonheur, de la jeunesse, de la grâce, de la bonté. Monsieur Médan l'observait de nouveau. Il comparait son air radieux de maintenant à l'air angoissé de tout à l'heure. Il commençait le brusque départ du matin au nom de Georges et ce retour inopiné du docteur, sa joie évidente aussi. Mille indices auxquels il n'avait pas pris garde tout d'abord, ou qu'il avait repoussé comme importun, lui revenaient à l'esprit. La lumière se faisait en lui. « À propos de vos pintades, lui demandait Madame Malprat. « J'ai réussi les grises, mais pas les blanches, répondait-il courtoisement, trouvant surprenant qu'on pût s'intéresser à de si pauvres petites choses, alors que de si graves événements se passaient autour de lui. Jacques était heureux. « Cet épanouissement, c'est mon œuvre, pensait-il avec satisfaction. Sans moi, je puis donc encore être bon à quelque chose. Si j'ai fait beaucoup de mal, je sais aussi faire un peu de bien parfois. » « Cette petite Nadine est éblouissante ce soir, dit M. Malprat à sa voisine. Madame Lelon, plate et sèche personne, mère d'une fille insignifiante et prétentieuse. « Oui, répondit-elle d'un air pincé, il est vrai qu'elle s'habille si bien. Aujourd'hui au moins sa toilette est plutôt modeste. Je lui connais cette robe depuis très longtemps. Elle a du goût, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qu'elle met qui la rend jolie. C'est elle qui donne un air particulier à tout ce qu'elle porte. L'avez-vous jamais surprise le matin, quand elle est dans sa tenue de petite maîtresse de maison active, avec ses cheveux bien relevés au sommet de la tête, ses jupes courtes, ses tabliers à bavette? Elle est exquise ainsi. Ah, si j'avais un fils !» Pour ne pas trahir son secret, Georges se privait de regarder son ami. Mais il la voyait quand même. Il discutait gravement littérature avec sa voisine, Madame Porciano, femme aimable et distinguée, qui, étant fort sourde, parlait à voix très basse. Pourtant, il suivait chacun des gestes de la jeune fille. Il ne perdait pas un mot de ce qu'elle disait. Comment cela se faisait-il ? Ceci est un des menus miracles de l'amour, qui en fait bien d'autres. Maggie, fière d'être assise auprès de l'ami Calvetti, comme une grande personne, causait avec lui de Florence, sa ville natale, heureuse de faire montre de son bon italien, et regardait non sans dédain Luce, confiée aux soins de Jacques, ainsi qu'une petite fille. Tout homme d'esprit qu'il était, le subtil célibataire, ne dédaignait pas de se mettre en frais pour elle. Il s'amusait de ses airs importants, sans cesser pour cela d'observer ce qui se passait autour de lui. Melville de retour après deux années d'absence, Nadine radieuse, Médan préoccupé, Jacques, gai comme un pinson, Malprat, intrigué, Madame Lelon inquiète, va béné, ça va bien, pensait-il. Le pudding brûla comme jamais pudding au monde n'avait brûlé. C'est nous qui l'avons fait, dirent les fillettes, et aussi Nadine. Tiens, le petit raisin de Corinthe qui ne voulait pas être mangé. Vois-le, Dine, il brûle tout seul là, sur le bord, s'écria Lucette de sa voix claire. La grande sœur se mit à rire, les yeux subitement mouillés de larmes. Comment, il n'y a que quelques heures que je racontais cette histoire, le cœur broyé d'angoisse, et maintenant... Qu'il faut peu de temps pour changer toute une vie, pensait-elle. La véritable durée des choses se mesure en nous, non ailleurs. On se levait de table, arrivé dans le salon brillamment éclairé. « Eh bien, Carina Mia, ma chérie, » dit Monsieur Médan à sa fille aînée en l'entraînant à l'écart, « je crois que nous avons bien vieilli depuis 2 ans. »« Non, papa, » dit-elle, mettant par un geste familier sa jolie tête sur l'épaule de son père et l'enveloppant de son regard aimant, « tant que tu auras besoin de moi, je serai toujours de beaucoup trop jeune. » « Mais l'âge est venu d'aimer ?»« Oui. » « C'était inévitable et j'étais un vieux fou. D'ailleurs, tu as bien placé ton cœur, mon enfant. » Georges les regardait. Monsieur Médan lui fit signe d'approche. Et, prenant la main de sa fille, sans parler, il la mit dans celle du jeune homme. « Mon père, » dit celui-ci vivement ému, « oh, pas de froid, s'il te plaît. Tu es un fief et voleur et tu mériterais la corde. Mais si tu me laisses ma fille encore un peu de temps, je te pardonnerai. » Voleur, moi, je ne vous enlève rien, et je vous donne un fils. Des mots, tout cela. Celui qui nous prend le cœur de notre enfant est un voleur, et le plus effronté, le plus dangereux de tous. Je n'en démords pas. Un voleur excusable, un voleur pardonné, aimé même peut-être, mais un voleur. Les petites sœurs, intriguées de ce colloque, avançaient leurs têtes curieuses vers le groupe. Les dames s'éventaient d'un air discret. Jacques s'en aperçut. « Eh bien, docteur, » dit-il tout haut à Georges en s'approchant, « comment trouves-tu papa ce soir ?»« Mais beaucoup mieux, je suis très content. Son pouls est excellent, régulier, ferme. Cela va parfaitement. » La soirée passa très vite, comme tout ce qui est vraiment bon en ce monde. Le gros voisin, Porciano, congestionné par le dîner, proposa de faire un whist et alla s'installer à la table préparée dans le petit salon contigu avec sa femme. Madame Lelon et Madame Malprat. L'ami Vetti, comme l'appelaient les enfants autrefois, avait pris Luce sur ses genoux et caressait tendrement ses cheveux noirs. Maggie s'était assise tout contre lui. Pour parler aux fillettes, il adoucissait sa voix sonore, y mettait des diminutifs câlins aux mots de sa langue natale, si douce déjà. « Chérie, laissez donc ce pauvre ami tranquille, » dit la sœur aînée. Le Toscan étendit sa longue main maigre au-devant de Luce, comme pour défendre un trésor menacé, et répondit par un simple mouvement de sa grave tête expressive. Puis, levant les sombres sourcils, d'un regard, il montra le piano à Nadine. Il avait raison, l'ami Vetti, c'était ce qu'il fallait. Les cœurs étaient trop émus pour qu'on pût parler. Elle obéit. Monsieur Médan prit son violoncelle. Georges, debout auprès du piano, tourna les pages. Monsieur Malprat s'installa dans un coin sombre, loin de l'éclat des lampes, et s'apprêta à écouter. Bientôt, entraîné par le chant divin, l'âme du père et celle de l'enfant n'en firent plus qu'une. La jeune fille disait son amour, sa tendresse filiale, sa joie d'avoir vaincu son cœur et tenu ses promesses envers la grande amie absente, présente toujours. Lui, Monsieur Médan, pensait à sa femme, aussi à l'horreur de leur tendresse, à son bonheur si elle avait été là, à sa Nadine, précieuse entre tous ses enfants, qu'il perdait et retrouvait à la fois ce soir-là, à tant de joie, à tant de douleur, si intimement mêlée dans son âme, comme dans tout homme qui a vécu et aimé. La voix profonde, presque humaine, du merveilleux instrument chantait cela, et bien d'autres choses encore. Elle évoquait ces choses inexprimées, inexprimables, que nous entrevoyons et que la musique évoque, ébauche de pensées, intuitions d'au-delà qui se compléteront, s'expliqueront dans une autre vie. Jacques, enseveli dans un fauteuil, derrière un paravent, pleurait comme un enfant, sans savoir au juste pourquoi, en une détente de ses nerfs surmenés. Maggie écoutait de toute sa petite âme ardente, les yeux brillants, les lèvres serrées. Luce s'était endormie, sur les genoux de son grand ami. Carissima, superlatif de chair, pensait celui-ci, pauvre petite douce et frêle, tu perds ta mère une seconde fois ce soir, ta grande sera toujours la plus tendre des sœurs, mais rien qu'une sœur désormais. Elle aime, elle est aimée, heureuse. L'amour comblé rend égoïste, même les meilleurs, il est à soi-même tout son univers. Elle va perdre cette divination, ce délicat toucher, que seule donne la souffrance profonde. Fit monsieur Malprat en se levant, lorsque la dernière note s'éteignit dans le salon silencieux. Ce Beethoven, quel génie! Ma petite Nadine, tu as joué comme un ange. Quant à toi, Médan, j'ai toujours dit que tu as manqué ta vocation. Tu es un musicien de premier ordre. C'est un crime de cacher un pareil talent. Vous m'avez fait passer une heure divine. Bonsoir, heureux homme, dit monsieur Calvetti en passant à Georges. Voilà une sonate qui comptera dans plusieurs vies. Nous pourrions bien apprendre quelque chose de nouveau, avant longtemps, dit madame Malprat à madame Lelon, dans le jardin, comme elle s'en allait, précédée de Federigo, qui portait une lanterne, et suivie des autres invités. Vous croyez, répondit la pauvre dame, qui avait jeté son dévolu sur Georges Melville pour sa fille, et qui voyait ses beaux projets matrimoniaux s'en aller à volo. Si ce mariage avait dû se faire, il y a longtemps qu'il serait fait, il se me semble. Les fillettes glorieuses d'être restées au salon pour la première fois jusqu'à minuit montaient tout en sommeillées l'escalier de pierre, pendu chacune au bras de leur sœur. Dine, s'écria Lucette, comme nous avons été heureuses aujourd'hui. C'était vraiment un fameux Noël. Jamais je ne me suis autant amusée. Une tasse fumait sur la table, au pied du lit de la jeune maîtresse de maison. Les excuses d'Agnès, pensa-t-elle, pauvre brave fille, j'ai mieux que son tilleul. En posant la lampe sur la cheminée, elle vit une enveloppe, placée sous la photographie fanée. Elle l'ouvrit et trouva le récépissé d'une lettre chargée, puis un papier avec ceci. « C'est parti et en même temps ma démission du Regina Club. Je ne jouerai plus, je te le jure, sur son souvenir, pris pour moi. » Nadine se jeta à genoux devant son lit. Alors, sur ce même coussin qui avait étouffé ses sanglots le matin, elle laissa couler de douces larmes de reconnaissance et de joie. Décembre 1903.